McDo, si tu savais, ton logo vert, ton logo vert. McDo, si tu savais, ton logo vert, où on se met. Pour la vulgarité, au cul, au cul, aucune utilité. McDo, si tu savais, ton logo vert, ton logo vert. McDo, si tu savais, ton logo vert, où on se met. Micro ouvert. Allez, j'ai envie de le dire, c'était un samedi 12 octobre, il y avait plein de choses à faire, un greenwashing tour, génial quoi, géniale idée. Et donc j'ai demandé si je pouvais venir avec le micro, aucun problème. Et ça c'est super chouette parce que on se dit que les gens qui organisent le bazar, ben voilà, ils sont voilà, c'est ouvert au public quoi, ils font les choses pour le public quoi, voilà. Et puis j'ai envie de le dire, normalement je devrais pas, ça devrait rester un peu dans ma pochette secrète quoi, mais il y avait aussi un tour sur la vidéosurveillance dans Bruxelles. Et du coup, bah moi, je pensais faire les deux. Hein. En plus, ça se mettait bien. Ça n'a pas été possible. Donc, c'est la Ligue des droits de l'homme qui organisait ce tour de vidéosurveillance dans Bruxelles. Et ils n'ont pas voulu que le micro soit là. Voilà, c'est bien dommage. Et ils ont expliqué que ça allait empêcher la liberté de s'exprimer. Je dis non, au contraire, quand il y a le micro, des fois, les gens sont vachement emballés de parler parce qu'ils savent que c'est enregistré, que ça pourra se réentendre parce qu'on n'entend pas toujours tout du premier coup. Enfin voilà, ça a été annulé et j'avais envie de le dire. Et puis il y avait aussi Extinction Rebellion au Palais Royal. Donc il y avait ambiance, c'était un samedi chaud comme ça. Voilà, j'avais envie simplement de dire ça. Le Greenwashing Tour, c'est parti. Puis chez Carrefour, chez Leonidas, chez ING et chez Starbucks. Allez, ouais, hey, ouais. Tournée générale. Let's go. Alors, on va commencer, comme par hasard, on est devant chez Lidl. Donc, pourquoi ne pas parler de Lidl, puisque vous connaissez tous un peu la chaîne, puisqu'elle offre normalement un petit peu tout à des prix vraiment très très bas. Et qu'en même temps, elle se targue d'être écologique. De se dire qu'ils veulent vraiment être une des enseignes de distribution qui ait des modes de consommation durable, des pratiques durables. Et même, je crois que leur porte-parole de la chaîne disait « on n'a plus le choix de ne pas faire attention à l'environnement ». Est-ce que c'est vrai? Parce que le discours est chouette fondamentalement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, nous, pour savoir ça, on vous propose de regarder quelques produits de chez Lidl qu'on a été acheter tout à l'heure. Alors voilà ce superbe concombre emballé dans du plastique. Voilà, c'est très pratique. Vous avez touché ? Voilà. Avec précaution ? Vous pouvez vous le faire passer, l'observer, le regarder, tout ça, le manger. Alors, la première pièce à conviction. Exactement. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, la consommation annuelle d'emballages ménagers à usage unique est estimée à plus de 21 milliards d'unités. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme. Et vous me direz, quelle est l'utilité d'emballer un concombre dans du plastique ? Elle n'est pas énorme non plus. Et dans le secteur alimentaire, en termes de coût de produit fini, l'emballage représente jusqu'à 20% de ces coûts-là. Alors il faut savoir que ce concombre, il ne vient pas de Belgique, il vient d'Espagne. Donc ce concombre, il a déjà voyagé pour venir jusqu'à nous, donc ça veut dire que du pétrole a déjà été utilisé pour nous l'amener. Et ce concombre, bien souvent, eh bien, il va grandir sous des serres. Des serres qui, en moyenne, consomment 297 kWh par mètre carré par an, ce qui est vraiment beaucoup. Et que les gens qui vont ramasser ces concombres sont très très rarement des gens avec un contrat à durée indéterminée et des conditions salariales de rêve et un pécule de vacances. Bien, en général, ce sont des gens qui sont saisonniers, qui sont exploités pour des salaires de misère entre 5 et 20 euros par jour. Donc la pratique durable est super géniale. Et peut-être encore une petite chose pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce concombre, c'est de dire qu'aujourd'hui, le modèle de l'agriculture industrielle ne produit pas d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, il faut en fait 10 calories fossiles, donc du pétrole par exemple, pour produire une calorie alimentaire. Et si vous prenez en compte le transport et la réfrigération, on arrive à 40 calories fossiles par calorie alimentaire. Donc c'est un système qui est profondément inefficient. Et est-ce que ça a toujours été comme ça, vous pensez ? Eh ben non. Parce qu'au début des années 50, il fallait à peine une calorie fossile pour produire 8 calories alimentaires. Donc voilà cette première pièce à conviction de la durabilité du Lidl. Je vais demander à mon porte-parole d'avancer un petit peu car je dois me saisir de la seconde pièce à conviction. Qui sont ces super sucreries que l'on trouve dans le magasin Lidl. J'aurais pu prendre celle-là comme j'aurais pu prendre une autre. Vous pouvez vous la faire passer, vous pouvez même en prendre une si vous voulez. Alors dans cette sucrerie, on va trouver un ingrédient très particulier qu'on trouve dans vraiment beaucoup de choses sucrées et qui cause vraiment beaucoup de choses problématiques. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? Ouais, mais vous êtes géniaux, c'est trop bien. Et donc en effet, on y trouve de l'huile de palme. Et un petit chiffre parmi d'autres sur l'huile de palme, mais il faut savoir que 90% des forêts en Indonésie ont été déboisées à cause du commerce du bois et puis de la transformation de ces espaces en palmeraies. Et donc il y a une étude en 2014 qui a été faite qui montre que chaque année, ce sont plus de 840 000 hectares de forêts vierges qui sont transformées en palmeraies chaque année. Donc il y a ça, puis il y a l'effet sur la santé qui est vraiment pas génial non plus. Il y a les colorants, il y a les conservateurs, il y a le papier, l'aluminium, le plastique qui sont autour. Et surtout, ben, dans celle que je vous ai fait passer particulièrement, il y a du cacao. Et on sait, nos collègues d'Oxfam en parleront probablement mieux que nous, que dans le commerce du cacao, bien souvent, les petits producteurs en fait, ne récoltent qu'à peine 5% du prix de revient, ce qui est vraiment extrêmement pauvre. Donc pour répondre à notre question de début, ben, qu'en est-il vraiment de la durabilité de Lidl ? Eh bien, comme Lidl fait partie du hard discount, donc c'est le but de vous offrir le prix le plus bas, son objectif, ce n'est pas de rémunérer le plus justement le producteur, mais c'est d'aller chercher le producteur qui lui vendra le moins cher. Et donc là, on va aller chercher ailleurs, plus loin, des produits qui peut-être ont été produits avec une gestion des ressources beaucoup moins bonne et avec des conditions de travail qui sont souvent exécrables. Et en Belgique, on pourrait penser que c'est mieux, et pourtant dans les années qui ont passé, si vous avez suivi un petit peu l'actualité en termes d'exploitation des travailleurs, il y a encore beaucoup à redire. Donc voilà, c'était notre premier passage chez Lidl, et vous pouvez également vous faire passer cette petite fiche qui parle des bananes chez Lidl pour voir qui est rétribué à combien de pourcents dans la chaîne alimentaire de ceci. Et voilà, je vous invite maintenant. Vas-y. Alors, il y a une chanson à chanter pour Lidl. Vous connaissez, c'est sur l'hymne de Claude François, je crois. C'est « Les gens l'appellent Lidl du verre. Il nous fait du greenwashing aujourd'hui et nous produit du concombre en serre avec du plastique tout pourri. » Maintenant, c'est à vous. « Les gens l'appellent Lidl du verre. Mais il produit du concombre en serre avec du plastique tout pourri. » En direction maintenant. Ok, après cet intermède musical, on vous donne rendez-vous. Bon, on peut y aller ensemble devant McDonald's, que comme vous allez voir, est un grand champion du greenwashing. Donc, direction la bourse devant le McDo. On s'en doute un peu que McDonald's est non. De là, Damien. Ça va? Vous avez bien chanté? J'ai essayé un petit peu, mais je n'ai pas bon beaucoup de mémoire, non. Il aurait fallu un petit peu plus d'entraînement, peut-être. Absolument, oui. Ça va? Vous allez bien? Oui, oui, tout va bien. Vous êtes dans la balade greenwashing dans Bruxelles, c'est ça? Oui, je suis engagée dans cette balade-ci. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup de choses et on ne se rend pas toujours compte qu'on est entouré vraiment d'enseignes qui ne respectent pas toujours les droits élémentaires des travailleurs et qui ne respectent pas aussi l'environnement. Oui, puis c'est tout à la mode verte maintenant, non? Oui. Vous n'avez pas l'impression? Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on est un peu, en tant que consommateur, on est un peu mené par le bout du nez et on est amené à croire que tout est beau et tout est rose, alors que ce n'est pas toujours le cas. Et quoi, vous êtes engagé un peu dans l'écologie, tout ça? Vous pensez quoi de tout ça? J'ai été engagé en tout cas dans plusieurs petits groupements, et du style Gazap et autres. Et oui, je crois que c'est vraiment important de toujours garder un peu le lien et de toujours s'informer à propos de telles actions. Ok. Merci, merci. Merci. Bonjour, ça va? Très bien. On va au McDo alors? Exactement. Un autre champion du greenwashing à visiter. Je trouve qu'il est champion. Moi, je trouve que quand c'est champion, c'est qu'il manipule bien. Mais là, on se doute bien, non? Le McDo qui fait pas du tout. C'est vrai que c'est pas le plus discret. Mais je vous propose de faire votre propre ranking à la fin du greenwashing tour. Notre propre quoi, t'as dit? Ranking, de pouvoir faire votre classement des meilleurs greenwashers en fonction de ce qu'on vous aura expliqué. D'accord, d'accord, d'accord. Vous êtes aussi dans la balade? Oui. Et qu'est-ce que vous venez chercher là alors? De l'information pour savoir qui est en train de tromper le consommateur avec son marketing soi-disant vert, mais qui ne l'est pas nécessairement. Et quoi, vous avez, y a des certitudes là, on va au McDo, vous doutez? Non? Je ne sais pas que je ne me doutais, mais c'est que peut-être que j'avais pas cette société-là comme cible principale. Je veux dire, c'est vrai qu'ils gaspillent beaucoup de choses, ça, mais... Ils font de la merde aussi, hein? Oui, mais bon, ils ont fait... La bouffe, je sais qu'aux États-Unis, avant, ils avaient des boîtes en polyester, tout ça, dans le temps, et que sous la pression des consommateurs, ils ont dû changer et mettre des boîtes en papier. Mais bon, je suppose qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ok, ok, ok. Vite, vite, vite. Pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon, pardon. Il y a pas encore eu ça, c'est très bien. Normalement, ça va rester comme ça. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Vous m'entendez plus ou moins? Le son est dégueulasse, on sait. Est-ce que t'as le petit papier? Ça te dérange si je me mets juste? Tu cherches pas? Le papier. Alors, bon, on est devant McDo, c'est un peu un des acteurs classiques du greenwashing. C'est la première chaîne mondiale de distribution fast-food, c'est un peu le symbole de l'agro-industrie, c'est le symbole de la malbouffe. Et pourtant, il y a quelques années, McDo s'est quand même dit, ouais, là les gens ils commencent à réfléchir un peu sur les effets sur la santé, les effets sur l'environnement, et ils ont décidé de changer leur image. Et donc pour ça notamment, ben ils ont fait un truc qui peut paraître très con, mais ils ont changé leur logo. Je sais pas si vous vous rappelez, avant il était rouge, maintenant le logo est vert. Je crois que c'est l'opération greenwashing la plus basique du monde, et ils l'ont fait, on peut les applaudir quand même. Mais accompagnés de ce changement de logo, ils ont quand même été un peu plus loin. Ils ont notamment adopté une charte agroécologique. Donc McDonald's se déclare être un des acteurs agroécologiques les plus importants de la planète, et mettent en avant toutes leurs pratiques durables en termes d'agriculture, en termes de soutien aux filières. Et donc, notamment, en France, on n'a pas les chiffres pour la Belgique, mais en France, McDonald's France, qui compte 1400 restaurants, affirme se fournir majoritairement en Europe, majoritairement de manière locale. Quand on regarde les chiffres, c'est pas tout à fait faux. 90% de la viande vient d'Europe, si on prend la viande de volaille. C'est Cargill, une multinationale de l'alimentation, qui leur fournit. On parle de 14 millions de tonnes de viande de poulet par an. Le problème, c'est quand on creuse un peu plus loin, Cargill, c'est eux qui ont des dizaines d'entrepôts géants en Amazonie, qui sont responsables de déforestation de dizaines de milliers d'hectares par an pour produire notamment du soja qu'on envoie en Europe et qui sert à nourrir les poulets ici en Europe. Donc il y a une filiale de Cargill, par exemple, qui produit 1 million de poulets par semaine qui sert à alimenter les restaurants de McDonald's. Juste ça, Greenpeace a fait une étude il y a quelques années et considérait que c'était l'équivalent de milliers d'hectares en Amazonie en soja. Et donc effectivement, ils ont rapatrié la production en Europe, mais ils continuent à externaliser complètement la production des aliments pour le bétail dans des conditions désastreuses, tant au niveau écologique qu'au niveau social. Donc voilà. Effectivement, ils mettent en avant leur production locale, leur traçabilité, mais quand on creuse, ils ont juste déplacé le problème un peu plus loin. Un autre exemple intéressant chez McDo, c'est les pailles. Donc avant, ils avaient des pailles en plastique, ça a été au McDo. Maintenant, ils ont commencé à généraliser les pailles en carton. Bon, déjà, ils nous prennent un peu pour des cons avec cette histoire de pailles en carton, mais en plus, il y a une étude interne de chez McDo qui est sortie, comme quoi les pailles sont trop épaisses que pour être recyclées, donc elles sont brûlées, et elles émettent en réalité bien plus de CO2 que les pailles en plastique. Voilà. McDo le sait, mais ils considèrent que c'est quand même mieux pour leur image de garder des pailles en carton et de continuer à dire que c'est écologique. Voilà, c'est ici, il faudrait qu'on aille voir si c'est des pailles en carton, mais ça devrait être le cas. Un autre exemple qui est plus interpellant et qui peut-être mérite de creuser un peu ces questions de greenwashing, c'est qu'ils mettent vraiment des choses en place pour essayer de répondre à des attentes de consommateurs. Notamment, ils sont en train de sortir des burgers bio. Et en France, ils vont sortir toute une gamme de crèmes glacées bio. Bon, il y en a certains qui pourraient se poser la question, est-ce que c'est intéressant que McDo fasse du bio? C'est quand même un gros acteur, 1400 magasins en France. Ça va avoir un impact énorme. Et effectivement, ça a un impact énorme. Ils viennent de passer commande de 4 millions de litres de lait à BioLait, une coopérative française. En fait, 4 millions de litres de lait, c'est impossible aujourd'hui en France à fournir de manière biologique à McDonald's. Surtout au prix où ils veulent l'acheter, c'est-à-dire pas grand-chose, et dans les conditions dans lesquelles ils veulent le faire. Donc en fait, McDonald's aujourd'hui pousse à mort l'industrialisation de l'agriculture biologique et met du pognon sur la table pour vraiment produire des acteurs hyper gros sur l'agriculture biologique qui vont faire du bio, mais de manière extrêmement industrielle, sans conditions de travail pour les travailleurs. Et donc c'est aussi ça qui se cache derrière les nouveaux produits bio chez McDo, c'est qu'en fait derrière on a un système agricole qui reste extrêmement dépendant de multinationales, qui reste merdique en termes de conditions de travail et qui continue à détruire la planète. Et donc effectivement McDo, au-delà d'avoir changé la couleur de son logo, développe quelques produits, ça reste un minimum de leurs produits, mais surtout les conséquences qu'il y a derrière, c'est que le système n'est pas prêt de changer, au contraire, il favorise une industrialisation de l'agriculture biologique qui jusqu'à maintenant n'était pas le secteur le plus industrialisé de l'agriculture, et bien grâce à des compagnies comme McDonald's, on y arrive. Voilà, donc je pense qu'on peut dire merci McDo. Le Mac Veggie, elle veut... Ah, évidemment, ils ont aussi développé toute une série de produits Veggie. Donc il y a le Mac Veggie, je vous le conseille. Non, c'est une blague. Je ne vous conseille pas, n'essayez pas. Et donc voilà, Seb nous a encore préparé un petit intermède musical. Non, j'ai un bon vieux... McDo, si tu savais, ton logo vert, McDo, si tu savais, ton logo vert, où on se met, pour la vulgarité, au cul, au cul, aucune utilité, McDo, si tu savais, ton logo vert, McDo, si tu savais, ton logo vert, où on se met. Au cul! Au cul! Aucune utilité! Wow. On va par là, et puis on va vers la Grand Place, et c'est dans la petite rue qui mène à la Grand Place qu'on s'arrête au début, devant l'église Saint-Nicolas. Il y en a plein partout. Ça va le. Vous mangez au McDo habituellement? Ouais, ça m'arrive quand même. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se dire? Ben, vous y croyez, vous, aux hamburgers végés et tout ça? Non, non, non, non, ça j'y crois pas de base, mais après, là, ce qu'il vient de dire, ça me fait quand même réfléchir, du coup, je vais penser à deux fois avant de manger au McDo. De toute façon, quand on mange au McDo, on se dit bien qu'on mange de la merde. Hein. Ouais, ouais, mais des fois, on n'a pas le temps et on se dit... Mais non, non, je réfléchis pas à savoir pourquoi on mange de la merde. De toute façon, il y a de la merde partout, en général. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Et on est conditionné et tout ça, c'est pas ça que je demandais, mais ouais, tiens... Ouais. Comment t'entends l'info qui vient de se dire, quoi? Ouais, ouais, ben j'entends, ben je l'entends, et voilà, enfin moi je savais pas tout ça, donc du coup ça m'informe, et comme j'ai dit, ça va me faire réfléchir pour le futur, quoi, vraiment. Parce qu'on est un petit peu à la mode verte, hein, maintenant, ouais, non ouais, c'est exactement... dans tous les domaines. C'est exactement ça. Moi, enfin, je suis pas spécialement cette mode, mais après je m'intéresse. Mais voilà, sans la suivre. Donc voilà. Merci. De rien. Ah oui, je vois qui c'est, lui. De toute façon, il y a des journalistes dans les... C'est ce qu'ils font, les journalistes. Ça va, je peux vous... Vous êtes dans la balade greenwashing? Oui. Et qu'est-ce que vous venez chercher dans cette balade? Un petit peu vert de nature? Oui. Un peu d'infos, un peu de coulisses. Un peu de coulisses? c'est marrant dit, ça. C'est dit marrant. Savoir ce qui se passe... Dessous les choses. Ben surtout faire une brève comparaison des différentes communications de toutes ces boîtes. Avoir un petit panorama, quoi. Voilà. Mais quoi, quand on entend ça, que le McDo se met au vert, que les grosses industries se mettent au vert, vous l'entendez comment, même avant la balade ici, ça résonne comment à l'intérieur ? De vous quand vous entendez ça, c'est possible, c'est pas possible? Moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer. Parce qu'avant, je pense que c'est ce genre de grosses sociétés pouvaient se permettre de faire du greenwashing à tout va. Maintenant c'est beaucoup plus difficile pour elles. Parce que justement, le citoyen se renseigne beaucoup plus, veut toujours plus de transparence. Et donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même... Au fond des choses, certaines politiques même de ces sociétés qui changent. Donc je pense qu'il y a des... Ah, vous croyez-vous vraiment que ça change? Un peu. J'aime bien charrier moi aussi, mais par exemple, moi j'ai entendu dire que des fois ils trouvent le logo pour dire que c'est recyclé alors que ça l'est pas du tout. Je pense au bois, au bois des forêts. Enfin, il y a de l'arnaque, vraiment de l'arnaque, quoi. Pareil, ouais. Ouais. Il paraît, ouais, dans les logos FSC et ouais. Ce genre de choses. Oui, oui. Ouais. Mais je pense que c'est quand même dans un mouvement, dans une bonne direction. Et, mais c'est pas encore parfait, ça c'est sûr, loin de là. Est-ce que ce sera un jour parfait? Et, oui, et puis tout ça, ce sont des enjeux économiques balèzes, quoi. Système capitaliste. Clairement. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de ça? Non, je pense pas qu'on pourra radicalement changer le système. Mais pousser les grosses sociétés à changer un peu leur business model, je pense que ça, c'est notre devoir à tous par la consommation et le devoir des politiques par leur prise de décision qui doivent être beaucoup plus tranché et beaucoup plus favorable au changement. Bon, je vais vite, mais j'aurais... Merci, hein. Ouh, voilà. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? Si vous voulez pas parler, dites-le, hein. Oui, bof. De toute façon, c'est anonyme, on voit pas, hein, y a pas d'image. Non, moi, j'ai envie d'interviewer, comme le son est dégueulasse de ce qu'il dit, je vais interviewer les gens. Voilà, plein de gens ici, mais il y en a un paquet, hein. Combien? Moi, j'y connais rien. Combien? Ça fait combien de gens? Selon la police. Selon la police, il y a combien de gens là dans le public? J'ai aucune notion des chiffres. Mais pas m'aider. Il y a... Ouais, je sais pas, c'est ouais, 60-70. Hein. Plus. Ah oui, ouais. Au moins 200 personnes. Mais non, mais sérieux, regarde, déjà ici, quand... vous dites 60? Non, déjà ici, ça fait 50-60. Attendez, là c'est bien. Attendez, pardon. Génial. Imaginez, donc c'est vraiment pas rien. Sauf que quand vous achetez un ballotin de praline, est-ce que vous savez la différence de prix que vous payez si vous achetez vos pralines en vrac dans un petit sachet ou si vous demandez le ballotin? Qui peut me dire la différence de prix? n'y a pas que Léonidas qui fait ça. Hein. C'est la même chose si vous allez chez Godiva, chez... Et en voilà. Vrac ou en ballotin. Voilà. Combien vous allez payer la boîte en... La différence. Plus non. 5, 10. Voilà. Alors, je vais vous donner les chiffres. Hein. Pour un ballotin de 100 grammes, en fait, dans une belle boîte, un cœur ou quoi, vous allez payer 7 euros. Si vous achetez la même quantité 100 grammes dans un petit sachet, ça va vous coûter 2,78 euros, c'est-à-dire 3 fois moins, quasi. Donc, il faut le savoir. C'est pas que Léonidas qui fait ça, mais quand vous achetez un ballotin, vous payez surtout la boîte, vous si payez pas les... Si vous n'entendez pas, ceux derrière, venez ici, on entend bien. Là, il y a de la place. C'est vrai qu'on entend bien. Voilà. C'est mieux. Ça relance, se sentira entouré. C'est important. Alors, Léonidas, en fait, il y a eu un grand turnover de patrons en 10 ans. Ils ont eu 8 boss, là. Et un de ces boss, le patron historique, il a été dénoncé parce qu'il faisait partie des Panama Papers. Ça veut dire que tout leur pognon, tous leurs bénéfices allaient au Panama, dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, le boss actuel, c'est un ancien de Coca-Cola, voilà, qui veut redonner un peu une nouvelle dynamique à cette entreprise familiale. Et il insiste très fort sur ce côté familial. On est une famille, on est une entreprise familiale, on développe des valeurs familiales. Et c'est pour ça... en défendant ces valeurs-là, qui soutiennent un projet, en fait, qui est un projet, non pas de Léonidas, mais au départ de Barry Calbo, qui est le plus grand acteur de la filière chocolat en Belgique. C'est vraiment la multinationale Barry Calbo qui fournit la plupart des chocolatiers belges et même dans le monde. C'est Barry Calbo qui donne la matière première. Et après, on le transforme chez Léonidas, chez Godiva, etc. Eh bien... Barry Calbo a un projet qu'ils appellent Cacao Horizon Foundation qui vise à soutenir les paysans en Afrique, à construire des écoles, à construire des projets pour soutenir les paysans. Soi-disant. Voilà. Et donc, Léonidas met ça en avant en disant « Nous, en tant qu'entreprise familiale, on est très attachés au fait de soutenir l'éducation. C'est une valeur fondamentale. » Alors, ça apparaît de nouveau très, très bien, très positif. Mais dans les faits, quand on regarde ce qu'il y a derrière, c'est vraiment dérisoire. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment l'argument marketing qui cache tout le reste. Parce que si on regarde les chiffres de ce projet, qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Ils ont construit, non pas 3 écoles, 3 classes. C'est génial. 3 classes en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 2 millions d'enfants travailleurs. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne gagnent que le tiers de ce qu'ils devraient gagner... pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, pour pouvoir s'acheter à manger, pour pouvoir avoir un logement décent. Ils gagnent que le tiers de ça. Alors c'est vraiment ridicule, on se fout de notre gueule quand on dit qu'ils soutiennent un projet d'éducation pour les enfants. Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas que Léonidas. Ici, on a pris Léonidas, mais ça pourrait être la même chose chez Côte d'Or, qui a le même genre de programme chez les grandes marques de chocolat. Donc, il y a aussi tout un problème d'environnement. Il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, on a détruit 85% des forêts. Les forêts ont disparu, non pas seulement à cause du cacao, mais quand même en grande partie, 30% à cause du cacao. Et le problème, c'est que les gens utilisent un peu la même technique qu'on a vue au Brésil. C'est ce qu'on appelle le slash and burn, c'est-à-dire que plutôt que d'exploiter durablement une forêt, on va, dès qu'une parcelle de forêt... a été considérée comme épuisée, eh bien, on va la brûler pour pouvoir replanter à nouveau. Et à cause de ça, la forêt, elle disparaît, mais vraiment à un rythme accéléré. Et à cause de ça, en fait, c'est l'avenir même des paysans qui est en train de disparaître, qu'ils menacent. Ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est leur propre avenir et l'avenir de la planète aussi, évidemment, qu'ils sont en train de menacer. Le vrai problème aussi, c'est qu'il y a une pression tellement forte de la part de l'industrie pour produire de plus en plus à un prix dérisoire, qu'ils se sentent, c'est la seule manière pour eux, quelque part, de survivre, c'est de pratiquer ce type d'agriculture. Donc c'est vraiment un problème qui va, à un moment donné, arriver à un point de non-retour. C'est quand il n'y aura plus de forêt, on se rendra compte, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On n'a même plus l'endroit pour planter nos arbres. Donc c'est, en termes de biodiversité, c'est une vraie catastrophe. Vous imaginez que tous les animaux qui vivent dans ces forêts sont en train de crever à cause de ça aussi. Alors il y a un autre problème aussi, donc j'en ai un peu parlé. Donne un peu de la voix, je crois. Ouais. C'est que... Recule. Sinon je prends le golfeur. Non, ça va. En fait, il y a 7 entreprises qui dominent le marché du cacao. 7 entreprises qui en fait, on n'en s'en rend pas compte, mais même quand on achète du chocolat Côte d'Or, ben derrière ça, il y a un groupe encore plus grand qui contrôle le cacao. Et donc, comme je le disais, en fait, il y a que ces 7 entreprises, elles peuvent faire de la spéculation, elles peuvent jouer sur le cours du cacao. Le petit paysan qui cultive son terrain de cacaoyer, il n'a pas le choix. Il doit vendre au prix que lui impose la bourse de New York. Et cette bourse de New York, en fait, elle est contrôlée par ces 7 acteurs du chocolat. Et eux, ça les arrange bien à un moment de faire monter le prix ou à un autre moment de le faire descendre. Quand le prix du cacao est très bas, ils ont des immenses entrepôts où ils peuvent stocker leur cacao. Ils attendent de faire monter le prix du cacao à un prix plus élevé. Et là, ils vont le revendre à un prix beaucoup plus élevé, évidemment. Mais tout ça, c'est sur le dos des producteurs qui, eux, ne gagnent vraiment rien là-dessus. Donc, si on regarde, quand on achète une tablette de chocolat, il faut savoir qu'il n'y a que 6% du revenu de ces tablettes qui reviennent aux producteurs. Il y a 55% qui va revenir à la grande distribution. C'est eux qui empochent la plus grande part du profit. Et il y a 35% qui revient aux marques, donc à Côte d'Or, aux marques de chocolat. Et seulement 6% aux producteurs. Voilà, c'est vraiment toute cette injustice-là qu'on dénonce dans le monde du cacao. On s'est arrêté chez Leonidas, mais on peut s'arrêter un peu plus loin chez Godiva, chez Côte d'Or. Et je vous conseille, d'ailleurs, il y a un musée du chocolat ici, pas loin, au Mannequin Peace, à côté du Mannequin Peace, qui est assez bien fait et qui parle aussi de ça, même si c'est un musée, je veux dire, privé. Ils en parlent un peu quand même. C'est vrai qu'en Belgique, il y a le secteur du cacao qui a promis de rendre le chocolat durable et équitable pour 2030. Chez Oxfam, nous, on n'est pas contents parce qu'on trouve que c'est vraiment trop timide. Il faut le faire tout de suite maintenant. Ils en ont les moyens. Mais ils se sont engagés pour 2030 à rendre la filière du cacao durable et équitable. Donc, on les attend au tournant. Et si vous étiez au stand d'Oxfam là tout à l'heure, on pouvait signer une pétition pour leur demander de mettre en pratique tout de suite leurs promesses et de ne pas attendre 2030. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une chanson chaud cacao. Non bah, ouais, en fait, je me suis dit, il y a peut-être un jeu de mots à faire. Vous allez répéter après moi, c'est un Léo, Léonidas, on s'emballe le teint de ton cacao pas éthique. Ah, c'est facile, hein? On recommence. Léo, Léonidas, on s'emballe le teint de ton cacao pas éthique. Léo, Léonidas, on s'emballe le teint de ton cacao pas éthique. Léo, Léonidas, on s'emballe le teint de ton cacao pas éthique. Non, de ton cacao pathétique. Non, j'arrête, c'est bon. Alors, je vous invite maintenant à avancer jusqu'à la Grand Place où on va se mettre devant le Starbucks. Le Starbucks à droite quand vous rentrez dans la Grand Place. Ah, le Starbucks. Hein? Comment? Seb, une idée du nombre de gens, parce que moi, j'ai aucune notion de ça. C'est quoi? Quoi, là, maintenant, autour, pour, pour avoir 30, une idée. 30, 40, 40. Au départ, on était une quarantaine. Peut-être quelques personnes qui sont parties, mais 30, 40. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, moi, j'imaginais plus, tu vois. Non. Parce que regarde là, ça fait déjà 10. Les gens s'entendent pas alors. 20. Ouais, 30. Quand tous les touristes arrivent, tu triches quoi. Tu fais comme. Tu fais comme les gens qui comptent dans les manifs quoi. Mais c'est parce que c'est de la radio, on voit pas, on s'en fout exactement du nom, mais pour avoir une idée. Mais il y a quand même un petit paquet de monde quoi. Qui est intéressé. Pas vrai que vous êtes intéressé par la balade greenwashing dans Bruxelles? Oui, cela me permet de me rendre compte plus encore concrètement des contradictions de notre société. Et voilà, je choisis de ne pas soutenir ces entreprises qui abusent, qui mentent. Et comment vous faites alors ? Je mange des aliments dans des petits magasins de quartier où je vais sur place au sein des petits producteurs durables. Mais c'est plus cher, non? Oui, par je sais pas, un toit qui est dedans. C'est plus cher, c'est pas plus cher. Ouais, ils sont là. Je préfère manger de la qualité que de la quantité. Ok. Et donc, comme possible... Mais t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, t'as pas... J'ai une compagne. Non. Il faut que je reviens. Okay. Oui, mais ta compagne, elle s'accompagne toute seule. Hein. Alors, est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça ou est-ce que je dois quand même prendre le gueulot? Prends le gueulot. Trop bien. On entend des gueules avec le gueulot, en fait, c'est pour ça. En fait, franchement, avec le gueulophone, on entend pas bien parce que ça grésille, quoi. Au pire, approchez-vous, hein. Comme à l'ancienne, quoi. Voilà, le mieux, c'est que vous vous abaissez pour ceux qui peuvent. Et celles qui peuvent, là, vous entendrez mieux. Je crois que je peux monter dans les pots de fleurs. Peut-être t'engueuler, ils vont peut-être t'engueuler. Bon, qui parmi vous a déjà pris un café chez Starbucks? Il y en a. Alors, vous avez tous apprécié le côté avec le petit gobelet, celui qu'on voit juste ici sur la photo, avec votre petit nom dessus, parce que c'est quand même convivial et un peu chaleureux. Sérieux? Mais en fait, ce gobelet, même si vous pensez qu'il est en carton, ce gobelet, il est plastifié à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un gobelet qui n'est pas recyclable. Et chaque année, ce sont 4 milliards de gobelets qui sont jetés chez Starbucks et qui ne pourront pas être recyclés. Donc ça va faire des déchets incinérés, simplement comme les pailles de chez McDonald's. Alors, quelque chose de très important à savoir sur Starbucks, c'est qu'ils prétendent que 99% de leur café est éthique ou équitable. Mais la question qu'on se pose tous et toutes, c'est de savoir comment est-ce qu'ils sont capables de dire ça? Avec qui est-ce qu'ils fonctionnent pour certifier leur café? Leur café, eh bien, ça fonctionne avec un label qui est Café Practices, qui est sur la photo que vous allez voir. Regardez là, Café Practices. Et d'où est-ce que vient ce label? Eh bien, il vient simplement d'un partenariat entre Starbucks et une ONG qui s'appelle Conservation Internationale, qui met en lien des grandes entreprises avec des tout petits producteurs pour faire transitionner les petits producteurs vers les produits qui ont la qualité que Starbucks espère. Mais en fait, ce label, qui décide de l'octroyer et qui peut vérifier en fait comment il est réellement appliqué, eh bien, c'est Starbucks lui-même. Donc voilà, c'est super pratique. Moi aussi, je peux lancer ma marque équitable demain avec mon super label et boum, je suis super génial. Grand développement durable. Tu devrais, peut-être. Hein. Peut-être. Alors, il faut savoir que cette ONG, justement, qui fait le lien entre les deux, elle ne regarde pas du tout à quel point les négociations se passent bien entre Starbucks et les petits producteurs. Elle fait juste l'accompagnement du petit producteur. Et donc, ce dont on s'est rendu compte dans les faits, c'est qu'après cet accompagnement et après l'obtention du label, les petits producteurs qui normalement ne devraient pas voir d'intermédiaires et devraient être rémunérés correctement, eh bien voient apparaître des intermédiaires dans la chaîne qui, eux, ont un pouvoir de négociation beaucoup plus fort et qui du coup font diminuer le prix du café auquel les petits producteurs peuvent le vendre. Et il y a eu le cas dans la coopérative Comoniag Noptic au Chiapas au Mexique, qui avait commencé une coopération avec Starbucks dans les années 2000 et qui, en fait, ont quitté cette coopération parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas avantageux pour eux et que les intermédiaires étaient ceux qui captaient les profits dans cette histoire. Alors ça, c'est pour le côté éthique équitable. Maintenant, le côté social, dont on ne discute pas toujours tout le temps, eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu un gros scandale au Royaume-Uni, puisque Starbucks y était implanté depuis 1998, mais en 2012, ils n'avaient encore jamais payé d'impôts sur leurs bénéfices. Alors pourquoi? Parce que selon Starbucks, l'entreprise n'était pas rentable au Royaume-Uni. Alors qu'en fait, à l'intérieur du cercle Starbucks, c'était considéré comme un endroit assez rentable et une bonne filiale. Mais simplement, quand on parlait au fisc au Royaume-Uni, on disait non, c'est pas du tout rentable, on fait pas de bénéfices, c'est pour ça qu'on peut pas vous payer d'impôts. Et en fait, c'est un système d'optimisation fiscale qui est mis en place par Starbucks, où il doit payer des redevances à la maison mère qui auparavant était localisée aux Pays-Bas. Et ce scandale justement dont je vous parle a été la découverte d'un arrangement fiscal avec les Pays-Bas pour pouvoir en fait être très peu taxé sur tout l'argent qui était redirigé vers les Pays-Bas. Donc ils ont été condamnés, je crois, en 2015 à 26 millions de pénalités au fisc néerlandais. Ensuite, ils ont déplacé leur maison mère au Royaume-Uni Et l'année passée, le même mouvement de protestation sur les photos qui circulent, il y a une photo avec des gens avec une grosse banderole devant chez Starbucks, qui disant genre, il y en a marre, rends l'argent. Parce qu'en fait, entre 2004 et 2012-2014, je ne connais plus la date exacte, en France, entre 2012 et 2014, je crois, non, pardon, entre 2004 et 2014 en France, ils se sont rendus compte que la même chose qui s'était passée aux États-Unis s'était produit, c'est-à-dire qu'aucun impôt sur les bénéfices n'avait encore été payé. Donc voilà, ça c'est un petit aperçu de Starbucks. Si vous en voulez un plus grand, il y a un super documentaire Arte qui s'appelle Starbucks sans filtre, duquel sont extraites toutes ces informations. Donc voilà, je crois qu'on peut applaudir cette performance de greenwashing qui est vraiment, vraiment pas mal du tout. Non, j'ai rien du tout. Non, j'étais perturbé par l'hélicoptère, j'ai pas de chanson, désolé. Direction ING, c'est au bout de la rue, par là, au début de la galerie de la Reine. Du roi ou de la reine qui veut pas déclarer l'état d'urgence environnementale. Voilà. Je vous redonne de cette photo. Et quoi, vous aviez l'air étonné, vous, que le gobelet ne soit pas en carton en complet fait, moi, je croyais qu'au Starbucks, les gobelets, c'était du gobelet carton. Et du coup, ça ne posait aucun souci. Mais là... Tu trouvais ça bien? Bah écoutez, à vrai dire, le Starbucks, j'ai jamais encore été, quoi. Donc, ah, ok, voilà. Bah. Et puis, mais je me disais que c'était un bon truc, avec leur gobelet qui était en carton et tout. Voilà, je ne pensais pas qu'on allait sortir que c'était un gobelet... En fait, c'était un gobelet qui était plastifié et tout, et que c'était non recyclable ou... Voilà, je ne m'attendais pas à tout ça, quoi. Ah oui, parce que ça donnait un peu comme si vous étiez penché sur la question et que vous étiez un régulier de Starbucks et que vous étiez vachement déçu, là. Ça donnait cette impression-là, mais je me trompe. Ben, déçu. À vrai dire, déçu. On va pas dire déçu, mais parce que j'ai jamais testé ouais, Starbucks. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais à vrai dire, ça m'a un peu étonné, quoi. Vous pouvez dire ça. Ok, ok. Merci. Merci. Vous êtes dans la balade green washing? Oui, oui. Un petit mot, qu'est-ce que vous faites là? C'est anonyme, on vous voit pas. Je sais même pas qui vous êtes. C'est mon français qui est le problème. Ah, ok, ok. Vous parlez pas bien français? Non. Non? Non, non, non. Toi? Oui, moi je suis bénévole chez SOS Faim. Et qu'est-ce que tu viens faire dans cette balade alors? Moi, j'avais envie de voir quelles sont les techniques concrètes qu'utilisent les multinationales. C'est assez impressionnant, surtout quand on voit Carrefour avec leur label Act for Food. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que oui, on peut se poser la question de est-ce que c'est pas bien si Carrefour augmente la quantité d'alimentation bio dans leur magasin, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu comprends mieux qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, je comprends mieux maintenant, c'est-à-dire que est-ce que c'est possible d'avoir du bio, industriel, écologique en même temps? Pour moi, la réponse est non. Et voilà ce à quoi nous fait réfléchir ce tour. D'accord. Merci à toi. Vous êtes dans la balade greenwashing ou rien à voir? Oui. Qu'est-ce que vous venez chercher? De l'argent, essentiellement. Dans cette balade? Bon, un peu de culture pour mon samedi après-midi, quoi. Ouais. Une balade également. Ouais, mais ça, il n'y a pas besoin de la... Y a pas besoin, ça, tu peux y aller librement. Hein. C'est une occasion. Ouais. Non, mais le greenwashing, ça vous parle? Vous venez un petit peu entendre c'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? On se disait que leur discours était plutôt axé sur l'éthique et l'économie plutôt que le vert. Ce qui est très intéressant, mais ce qui n'est pas adapté au greenwashing. Enfin, c'est pas le... Oh là là, attends, explique-moi. C'est très intéressant. Ça, tu trouves pas que ça va tout beau? Explique-moi la différence. Le greenwashing, c'est vraiment l'impact sur l'écologie et la planète. Pas l'éthique des petits paysans ou comment ils s'en sortent financièrement au sein du monde économique actuel. Mais tu trouves pas que tout est relié au fond? Non, je trouve que c'est juste les mêmes gens qui manifestent pour les trois causes, mais les causes sont pas forcément liées. Ah bon? Tu trouves pas que... Donne-moi un exemple très concret pour qu'on comprenne bien. Pour moi, tout est relié. Hein. Si t'as des travailleurs qui vivent bien, ben du coup... Disons que faire de l'optimisation logicielle, c'est pas être anti-green. C'est juste gagner de l'argent sur le dos des autres gens. Ça, c'est juste la fin de l'histoire. Enfin, pour moi, l'optimisation visuelle, c'est typiquement pas du greenwashing, quoi. D'accord, ça c'est... Comment on appelle ça? On pourrait très bien imaginer des paysans bien payés et détruire la nature, il n'y a aucun souci avec ça. Ah, attends, pas mal, ça. Redis ce que t'as dit. On pourrait très bien imaginer une société qui paye bien ses paysans et qui détruit la nature. c'est vrai. Mais c'est intéressant, on ne dit pas, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait, ni le bon terme pour nous. D'accord. Bon, je retourne à l'ING, là. Allez-y, allez-y. Merci, hein. Pardon. Oh non, il reprend son truc, lui. Ouais, non. Vous dites ? On vous voit pas, hein, c'est la radio. Vous comprenez ce qui se dit là ? On n'entend pas bien. Hein. Pardon ? On n'entend rien. Non, rien. La sono, elle est faible. Ouais. Ça marche pas. Mais qu'est-ce que vous venez entendre un petit peu des infos sur le greenwashing ? Bon, par exemple, ici à côté, chez Leonidas, on a compris que, on le savait déjà, que l'agriculteur, il reçoit vraiment une dividende de misère, 6%, pendant que les grandes surfaces se tapent 54%. La firme du chocolat, le reste, vous comprenez qu'il y a de quoi être inquiet. Vous saviez déjà, c'est vrai qu'on sait déjà en fait. Ouais, on sait déjà, mais c'est pas très, très médiatisé. Les gens ne sont pas conscients, ils ne s'en rendent pas compte que le producteur devient le dindon de la farce dans cette histoire. C'est ça. Mais ça fait pas de conscience. Ça fait de la peine. Par exemple, moi qui viens d'Afrique, si. Où ça en Afrique ? Parce que l'Afrique, c'est vaste. Hein. Bon, c'est pas la Côte d'Ivoire. Sinon, j'allais péter un câble, mais de toutes les façons. C'est vraiment une injustice flagrante. Parce qu'on devrait quand même avoir quand même un commerce équitable. Et ça commence par la rémunération du producteur à sa juste valeur. Parce que c'est le producteur qui peine, c'est le producteur qui s'investit, et c'est le producteur qui suit du matin au soir. Et au bout du compte, au bout du rouleau de son commerce, il n'a que 6%. Les autres se tapent 54. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans l'assemblée ici quelque chose qui était intéressant. Et il disait, ouais, je suis un peu déçu parce que le greenwashing, c'est pas l'éthique ni... Bon, là, on parle plus des droits des travailleurs. Hein, et je disais que tout était relié, mais comme ça, dans une réflexion, tout est relié. Il m'a dit, ah oui, mais non, pour moi, c'est pas parce que vous êtes bien payer que vous n'allez pas détruire la nature. Non. Vous voyez, comprenez bien. Si vous avez un salaire décent avec des conditions, c'est pas pour ça que vous n'allez pas détruire la nature. Non, c'est pas ça. Parce que si on a un salaire décent, on n'a même pas. Je veux dire une rémunération décente par rapport. Moi, je sais juste par rapport au producteur. Il n'a pas besoin de peiner d'exploiter plusieurs exploitations. Ils vont dévaster la forêt. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent une recette de misère. Et c'est aussi ça, ils doivent aller... Non, moi je crois pas, mais c'est ça qui manque, je trouve, dans la mécanique. On parle toujours de la même chose, du coup. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société capitaliste et que le capital, il veut toujours avoir plus. Malheureusement, c'est ça. Au point de pomper le producteur, au point de pomper la nature, au point... C'est ça. Ben c'est malheureusement ça, et tout ça, c'est la faute à qui ? C'est la faute aux politiques, c'est la faute aux régulateurs qui devraient être... Aux ordinateurs ? Non, les décideurs politiques. Ah, les décideurs, ouais. Ouais, les décideurs politiques. Et pourquoi selon vous, c'est leur faute ? Parce qu'ils devraient imposer une certaine éthique, notamment, faut pas que les gens soient gagnent excessivement, beaucoup, pendant que les autres gagnent un salaire de misère. Quelques-uns gagnent sur le dos des autres. Ouais, ils se font un pactole d'argent. Sur le dos des autres. Sur le dos des autres, oui. Et pendant que les producteurs qui sont nombreux, qui ont des familles à nourrir, qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, ils continuent à gagner la misère. Ouais, c'est profondément pas juste. Non. C'est vraiment pas le commerce équitable. Je vous dirais même que c'est presque à la limite de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors qu'on Ben, c'est ça, hein, monsieur. Qu'on pensait que... Qu'on n'était plus là-dedans. Voilà. Rigoler ou quoi? C'est que c'était quelque chose qui est derrière nous, mais c'est un truc qui est présent. Ben oui. Merci, hein. Ben, je vous en prie, imaginez aussi, avec votre micro, si vous étiez payé 2% pendant que votre organisation... Il n'y a pas d'argent, là. Je fais du média bon, alternatif. Heureusement. Monsieur? Bonjour, monsieur. Oh. Non? Vous êtes mal à l'aise? Bonjour. Eux, ils sont... Bonjour. C'est des grands parleurs, là. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord de parler un peu ou pas? Pour. Ah, vous venez de la banque, vous. C'est fini? Pardon. C'est terminé? Ouais, c'est terminé. Ah, ok. Un petit mot sur tout ça? Le greenwashing, puisque c'est quand même ça le sujet. Non, bah, ils nous entourent totalement. On s'en rend même plus compte aujourd'hui, mais la communication a un pouvoir énorme sur nous. Et même si on pense être un petit peu informé au courant de tout ça, on se fait avoir dans tous les cas. Donc, il faut réussir à garder notre indépendance et notre esprit critique pour essayer de nous détacher de tout ça. Et... Mais comment? On est quand même dans le système. Oui, on est dans le système, mais à notre échelle d'individu. On en est dépendant, mais en tant qu'individu, c'est de privilégier les circuits courts, les initiatives individuelles, locales. C'est difficile, c'est peut-être là ce qu'il nous faudrait, plus d'exemples concrets à encourager. Où aller? Ils ont parlé d'une banque où, qui veut se lancer, qui serait plus éthique. Ça n'existe pas, ça, hein, les banques. Non, mais une banque investit que dans les projets plus éthiques et équitables de leur point de vue. Mais on a besoin d'exemples et d'être dirigé aussi dans ce sens-là, quoi. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Comme ils sont très bons en communication, ils cachent tout. Donc c'est délicat. Ouais. En fait, carrément, ils mentent, quoi. Oui, ou par omission, les mensonges par omission qu'on faisait quand on était... Ils mentent pas, ils disent pas, ils le cachent, ils le camouflent sous des couches de verre pour l'écologie ou d'autres choses. Et je pense qu'il y a pas mal de bonne volonté, ça arrive, mais il y a besoin d'être guidé pour les actions concrètes. Merci à toi. Et toi, jeune fille qui accompagne. Tout comme lui. Tout comme lui. Nous, et après ça peut être assez large, c'est des pratiques d'entreprises privées, mais ça pourrait être d'acteurs publics, qui visent à verdir leur image. Donc par des opérations de communication la plupart du temps, ou par effectivement la prise de petites mesures, quoi. Ils vont prendre une série de petites mesures isolées, par exemple mettre des pailles en carton à la place des pailles plastiques, mais qui permet d'avoir une communication qui dit en fait aux consommateurs, non regardez, nous on fait attention à l'environnement, on est un acteur qui a ce souci-là. Alors que soit c'est pas vrai, soit c'est pas tout à fait vrai, soit ils mettent vraiment en avant les petits trucs qu'ils font, quoi. Mais effectivement, en général, c'est soit ils exagèrent complètement les petites choses qu'ils font, soit ils ne disent pas des choses qu'ils font mal, soit ils mentent carrément en inventant des choses. Il y a des entreprises, effectivement, qui ont des... Ça peut être des trucs différents, quoi. Ça peut être effectivement soit vraiment des mensonges en tant que tels, soit c'est de l'exagération et de la communication à outrance, soit c'est de l'omission, quoi. C'est de pas... d'éviter de dire certaines pratiques ou certaines choses, quoi. Mais c'est vraiment cette question de dire, bon, en fait, d'essayer de se montrer plus sensible à l'environnement, ou qu'ils font plus attention que ce qu'ils font vraiment. Et après, il y a un peu des variantes. Quoi. Mais il y a ici, moi, je renvoie un peu, il y a trois personnes, je vais essayer de leur dire à ma manière, hein, parce qu'ils l'ont dit à leur manière, mais ils étaient déçus un peu de la... Comment on dit ça? De l'événement, là, oui, du tour, parce qu'il disait que vous ne parliez pas vraiment du greenwashing, vous parliez de l'évasion fiscale, vous parliez d'éthique, vous parliez... ils étaient déçus de ne pas vraiment entendre c'était quoi le greenwashing, et je disais, mais tu ne trouves pas que tout est relié de toute façon? Et il a pris un exemple, j'aimerais bien que tu répondes, il disait... par exemple, tu peux être très bien payé, convenablement, avec des... Hein, et détruire la nature. Prenez cet exemple, tu vois. Nous, on a une définition, effectivement, de ce qui est durable, qui inclut les combats sociaux. Et donc c'est pour ça qu'on parle aussi de social, qu'on va parler d'évasion fiscale. Parce que quand une entreprise dit, bah, effectivement, nous sommes une entreprise durable, elle essaye souvent plus de jouer sur la question environnement. Pour nous, c'est une approche globale qu'il faut pouvoir avoir. Après, effectivement, peut-être qu'on devrait plus définir en début de ce que c'est. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est toutes les entreprises qu'on a vues, c'est toutes des entreprises qui ont une communication qui disent, on est une entreprise durable, si pas super durable, si pas la plus durable dans notre secteur, quoi. Par exemple, Carrefour et Lidl, les deux disent, nous sommes les plus durables dans notre secteur. Et dans durable, en fait, il y a aussi les enjeux sociaux, il y a les enjeux environnementaux. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, pas du tout. Tu dis ? Et pourquoi est-ce qu'en fait, ils ne sont pas du tout ? Oui, mais il n'y a pas... Enfin, ça, c'est moi qui dis, c'est pas eux. Je trouve qu'il n'y a pas une seule fois où on entend parler que toutes ces grosses institutions, industries plutôt, mais c'est tous des marchés capitalistes et qui, eux, leur but, c'est de faire du pognon à tout prix. Est-ce qu'on peut faire... Enfin, vous l'avez dit quand même un peu, est-ce qu'on peut faire du pognon à tout prix en détruisant... Enfin, voilà, est-ce qu'on peut faire du pognon vert ? Est-ce qu'on peut faire... C'est une véritable question et... Tout à fait. C'est une véritable question. Nous, on a... Enfin, personnellement, moi, la réponse, c'est qu'a priori, c'est compliqué dans ce capitaliste. C'est pas possible. Après, ce qui est... C'est pas parce que tu peux pas faire de pognon vert que tu dois dire que tu en fais, du coup. Le problème du greenwashing, c'est vraiment l'utilisation d'arguments écologiques ou... Par exemple, même pour le cas de Carrefour, ils reprennent des arguments des mouvements sociaux, ils reprennent... du plaidoyer de la Confédération paysanne, de paysans, de paysannes, pour se mettre en avant et pour vendre des produits, quoi. Donc au-delà de faire du pognon, ils font du pognon avec des arguments qui sont bah, soit faux, soit exagérés. Et donc c'est ça qu'on dénonce sur la question du greenwashing. Après, on pourrait dénoncer le fait qu'en fait, ils font juste du pognon et que c'est bien problématique. Bah oui, mais c'est ça la base, c'est qu'ils font, juste du pognon, quoi. Après, ils réutilisent un peu l'idéologie de la société, quoi, puisque maintenant, on est un peu à dire ça suffit, on veut plus de justice. Ouais, non, c'est sûr. Ils suivent évidemment ce que le consommateur, enfin, ce qu'ils perçoivent dans la société comme des tendances de consommateurs ou communication, qu'est-ce qui va pouvoir les permettre de se démarquer par rapport à la concurrence. Bon, du coup, ça marche de moins en moins bien, vu que tout le monde le fait, ça les démarque plus beaucoup. Mais s'ils le font pas, ils se démarqueront négativement. Donc, ils sont un peu obligés de suivre la machine aussi dans ce sens-là, quoi. Et donc, je repose bêtement ma question. Et donc, le bonhomme qui dit ici dans l'Assemblée... Mais quoi, tu peux être payé convenablement, avec un bon salaire, et détruire la nature. Évidemment. C'est quoi cet exemple ? Enfin, c'est un drôle d'exemple. Bah, tu peux être payé convenablement et détruire la nature. Tu peux effectivement même très bien traiter tes salariés et détruire la nature. Tu peux vraiment respecter la nature et très mal payer tes salariés. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement... J'avais envie de décortiquer un petit peu ces trucs. C'est ça qu'on parle, par exemple, dans Carrefour, c'est un bon exemple, parce que... Quand tu regardes de manière isolée chacune de leurs engagements, bah ouais, c'est sympa. Le problème, c'est quel modèle de société il y a derrière. Et c'est bien pour ça qu'on parlait de modèle de société, de quelle vision il y a même de l'agriculture derrière. Non, l'agriculture capitaliste, industrielle, biologique, c'est pas la même chose que celle de la Confédération paysanne ou d'organisation paysanne. Donc c'est vraiment des modèles qui sont hyper différents, avec des finalités derrière. Est-ce que la finalité, c'est de nourrir les gens qui habitent aux alentours, ou bien c'est de faire du pognon au maximum. Et si les gens veulent manger du bio, on va leur faire du bio, mais le but, c'est pas de faire du bio, c'est de faire du pognon. Excuse-moi. Vous en pensez quoi de toute cette discussion, vous ? C'est intéressant et je trouve ça hyper important de justement mêler tout ce qui est greenwashing avec les différentes luttes, les convergences des luttes, tant les luttes sociales qu'économiques, qu'écologiques et tout ce qui s'ensuit. Et ouais, moi, je dirais même que le greenwashing, c'est une mise en lumière d'une communication de juste certains actes pour essayer d'avoir une bonne image auprès du public. Et c'est justement juste cette mise en avant de toutes petites choses, mais qui au final ne reflète pas du tout comment une entreprise fonctionne en elle-même ou quelle est sa vision du monde ou de société ou n'importe quoi. Ouais, d'aller plus en profondeur, voir ce qui se casse derrière, qui se cache derrière. C'est pas simple. C'est juste une façade. C'est se mettre une façade verte, c'est pour dire que bah, regardez-nous, nous on fait les choses bien et du coup allez chez nous parce qu'on fait les trucs bien et allez pas chez eux. C'est un raisonnement très basique, hein. C'est juste se démarquer bêtement des autres avec des arguments qui sont très dans la mouvance actuelle, greenwashing, sellwashing, et c'est jouer là-dessus et sur l'influence du consommateur, c'est de la psychologie et de la com. Ouais, c'est basique, hein. Maintenant j'ai compris le greenwashing. C'est pas le budget comme, hein, parfois. Pour faire du green. Ouais, c'est énorme les budgets qu'ils sont capables de déployer juste pour garder leur image, quoi. Ils mettraient ça pour faire un peu plus de durable. Vous aurez bien plus de résultats, mais non, c'est la communication qui compte. C'est sûr. On est dans la communication. Merci à toi, à vous. Merci. Ouh. Et vous pouvez aussi écouter Micro Ouvert parce que c'est terminé sur un site qui s'appelle microouvert.be. Donc les deux os se touchent.